Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Shalom à vous, très chers auditeurs. Vous suivez l'émission Méditons ensemble pour les jeunes. Oui, nous sommes jeunes et nous sommes à cette émission pour méditer la parole de Dieu au moyen de notre guide, le Rendez-vous avec Dieu, édition 2020. Et le texte que nous propose notre guide pour cet après-midi est celui de Éphésiens, le chapitre 4, les versets 17 à 24. Je suis Alexis Pléon-Bracois à l'animation et à la réalisation. Nous avons Tonton Emmanuel Yao. Je suis en compagnie de nos amis du mois de février, je l'ai dit tantôt. Ils seront avec nous durant tout ce mois de février. Nous avons fait deux émissions avec eux, le premier mercredi et le deuxième mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le troisième mercredi de février et nous sommes encore avec nos amis qui ont bien voulu répondre présents pour cette méditation. Ils sont au nombre de trois. Et ils nous viennent de l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé, temple La Référence. Ils vont se présenter. Il s'agit de... Shalom, shalom. Moi, c'est Ago Kounan. Bienvenue. Je suis membre des témoins et conseillers. Salut, salut. Moi, c'est le frère Gamala Kofi Roslin, membre des témoins et conseillers. Shalom, shalom. Je réponds au nom du frère Baorebi Emerode Martial, témoin et conseiller. Également membre de la MATSI. Heureux de vous retrouver pour cette troisième méditation du mois de février. Nous allons passer à la prière d'introduction avec Jamala Roslin. Merci pour ta grâce. Encore une fois, tu nous donnes l'occasion, Seigneur, de méditer ta parole. Nous te prions de bénir ce moment, de bénir les entendements et que, Seigneur, cela fasse du bien à mon frère, à ma soeur et l'aider certainement à s'engager, à aller en eau profonde avec toi dans sa marche. Que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture de notre texte avec Ago. Bienvenue dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, les versets 17 à 24. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et enfin verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Nous sommes à Méditons ensemble pour les jeunes et nous sommes avec les jeunes de l'église des assemblées de Dieu d'Adjamé, Temple La Référence. Nous sommes avec Jamala Roslin, Ago, bienvenue, et avec Baoré Bi Martial. Nous venons de faire la lecture de notre texte qui se trouve dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, les versets 17 à 24. Nous allons passer à l'observation de notre texte avec la présentation du livre de l'Éphésiens et de son auteur. La lettre aux Éphésiens invite tous les hommes à devenir membres du corps de Christ par un seul esprit, une seule foi et un seul baptême. Elle encourage aussi à tenir ferme dans l'adversité. Son thème central est le plan éternel de Dieu qui vise à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Car l'Église n'est ni un bâtiment, ni un simple groupe de croyants. C'est une construction divine. C'est le corps du Christ au travers duquel Dieu peut exprimer son amour et sa force dans le monde. Saul, qui deviendra Paul après sa conversion, est né dans une famille pharisienne issue de la tribu de Benjamin et originaire de Tarse en Cilicie. Il a à son actif 12 épîtres, dont le livre d'Éphésiens. Merci pour la présentation du livre et de l'auteur. Nous allons passer à notre texte du jour qui se trouve dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, les versets 17 à 24. De quoi parlent ces versets? Oui, bienvenue. D'abord, le titre que j'aimerais donner ici au texte que nous venons de lire, la vie en Christ. Donc, il s'agit de la vie en Christ. Est-ce que vous avez un découpage à proposer? Oui. Nous avons deux découpages. Du verset 17 au verset 19, la manière de vivre des païens. Le second part du verset 20 au verset 24, Christ est le divin pédagogue. D'accord, merci pour cette proposition. Nous allons aborder la première phase du verset 17 au verset 19. La manière de vivre des païens, comment elle est décrite dans ces versets? Selon ces versets, quelle était la manière de vivre des païens? Oui, Roselyne. La manière de vivre des païens est décrite ici dans le verset 17. Paul dit ici, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. D'abord, nous allons révéler qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ensuite, voilà. Ensuite, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, ils ont l'intelligence obscurcie. Ça fait deux. Troisième élément, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, ils marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Ensuite, dans le verset 19, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, ils commettent l'impureté jointe à la cupidité. Donc, voici comment marchent les païens, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ensuite, nous passons à la deuxième phase. Qui est Christ, le divin pédagogue. Oui, pour la deuxième phase, nous allons aller avec Martial. Voilà, effectivement, Christ, le divin pédagogue. On peut le voir au verset 21 déjà. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dans le mot Christ nous instruit à nous dépouiller de tout ce qui est charnel. Et aussi à se débarrasser du vieil homme au verset 22. Et aussi de la convoitise. Verset 23 aussi. Verset 23. Oui, bienvenue. Oui, au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et la seule personne qui peut renouveler l'esprit de notre intelligence, c'est le Christ. Et c'est sa parole. Au verset 24, pour finir. Au verset 24, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Comme nous le voyons de la parole de Dieu, il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Donc nous voyons bien que Christ est le divin pédagogue, car c'est lui qui nous aide à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui aussi, il nous donne de pouvoir vivre une vie qui ne se corrompt pas à la convoitise trompeuse. Il nous donne aussi à renouveler notre esprit et notre intelligence et aussi à revêtir l'homme nouveau. Nous voyons donc deux différentes manières de vivre. D'abord, la manière de vivre des païens et ensuite la manière de vivre des personnes nées de nouveau qui marchent selon l'instruction de Christ qui est le divin pédagogue. Nous allons passer à la phase de l'interprétation de ces versets. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre? Oui, Martial. Effectivement, nous avons des exemples à suivre. Présentement, verset 17 qui dit « Nous ne devons pas imiter les païens ». Donc, c'est un exemple à ne pas suivre. Nous ne devons pas faire comme les païens. Oui, allons-y. Nous avons aussi le verset 23 et le verset 24. Ce sont des exemples à suivre. Voilà. Nous devons nous débarrasser du vieil homme et s'attacher au modèle de vie en Christ. Nous avons un autre exemple à suivre dans le verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Un exemple à suivre ici, l'apôtre Paul, un bon leader qui montre la voie à suivre à ses enfants spirituels. D'accord. Donc nous devons suivre l'exemple de Paul qui donne des conseils à ses enfants, qui leur montre comment se comporter et comment ne pas vivre dans le péché. Et aussi, comme Martial l'a dit, nous devons marcher selon les instructions que Christ nous a données. Oui, exemple à ne pas suivre, Roselyn. Exemple à ne pas suivre, nous le voyons dans le verset 18. Et dans le verset 19, il dit « Ils ont l'intelligence obscurcie ». Voilà, intelligence obscurcie. Il faut dire que leur intelligence est carrément morte parce qu'ils n'ont pas une relation spirituelle avec Dieu. Ils ne sont pas connectés au Seigneur. Donc, celui qui ne connaît pas le Seigneur, l'intelligence est morte. On peut dire aussi que dans leur pensée, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de faire le mal. Ils cherchent à faire tout ce qui est obscur, comme le monde le dit. La gloire de Dieu. Voilà, tout ce qui est ténébré sont à l'image de leur maître. C'est ça. Voilà. Ils cherchent comment est-ce qu'ils vont faire, par exemple, pour amasser des richesses, même s'il faut tuer des gens. Comment ils vont faire pour tuer, pour braquer, pour violer, pour causer le malheur. Ils sont ingénieux au mal. Au mal, voilà. Comme on peut le dire. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Voilà. Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, il y a les principes, il y a les règles, comment il faut marcher en tant qu'un enfant de Dieu. Ils sont étrangers à cela. Voilà. Ensuite, il dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, quand ton cœur est endurci, quand ton cœur est fermé à la vie de Dieu, il y a l'ignorance qui est en toi. Et cette ignorance-là ne peut que te conduire à faire ce qui est mauvais, ce qui est contraire à la voix de Dieu. D'accord, voilà. Ce sont les exemples à ne pas suivre. Si. Nous allons passer aux vérités. Quelles sont les vérités qui nous sont révélées dans le texte 8? Oui, bienvenue. Il y a plusieurs vérités. Précisément au verset 18. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien de Dieu, comme tout à l'heure mon frère le disait. Ils sont vraiment désorientés des principes de la vie chrétienne. Ils ont et c'est ce qu'on constate aussi avec nos amis qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Oui. Quand on veut leur annoncer l'évangile, ils sont carrés, ils ne veulent rien savoir, comme la Bible le dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Oui, bienvenue, tu peux continuer. Voilà, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont un cœur endurci, un cœur fermé. Ils ont un cœur de pierre. La Bible nous déclare que d'avoir un cœur de chair. Voilà, ils ne sont pas flexibles à la parole de Dieu. Et ils ont une conscience aussi morte. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien de Dieu. Et ce qu'ils savent, c'est comme on a dit précédemment, c'est de faire le mal, c'est de vivre comme ils le veulent. Mais ils ne savent rien de Dieu. Ils ne connaissent rien des principes de la vie chrétienne. Oui, Martial. Une autre vérité à révéler est que nous devons mener une vie à la gloire, à l'image de Jésus-Christ. Voilà, comme lui-même nous recommande dans sa parole, il nous a dit de nous dépouiller du vieil homme, de marcher dans la sainteté et aussi de marcher aussi dans la justice qui produit la vérité. Donc, en un mot, nous devons refléter l'image de Dieu, de Jésus-Christ. Moi, j'ai une question. Le message que Paul donne, il est adressé à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien il est adressé à des personnes qui ont accepté le Seigneur? Oui, Roselyne. Le message est adressé aux Éphésiens. Il faut dire que ce sont ces Éphésiens-là qui ont fait la paix avec le Seigneur. Et ici, Paul, en tant que leader, serviteur de Dieu, était en train de donner l'enseignement à ses enfants spirituels, leur montrer la voie comme la parole de Dieu nous l'a si bien dit. Dieu pouvait lui dire, je mets devant toi la vie et la mort, mais il nous encourage à choisir la vie. Donc Paul était en train de mettre en phase deux voies, la manière de vivre des païens. Il les démontre, les décrit, voilà comment ils vivent. Mais voilà ce que la parole de Dieu vous recommande de faire. Donc ne faites pas comme eux. Donc ici, Paul était en train de parler à ses enfants spirituels. Donc voilà. Paul s'adresse ici à des chrétiens qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Mmh. Il leur demande de ne plus se comporter comme ils le faisaient avant. Bah. C'est ce qu'il dit. Mmh. Voilà, il dit, voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. C'est qu'ils marchaient comme cela avant. Avant, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur. Quand nous prenons les Épîtres, il est dit que autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes devenus lumière. Voilà, donc avant qu'on ne connaisse le Seigneur, qu'on ne rencontre, qu'on ne l'accepte, on avait notre manière de marcher, on avait notre caractère, on avait notre vision des choses. Mais du moment que le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître, le Seigneur nous impose, lui, ses lois dans son alliance, comme on l'a vu dans Isaïe. Dans l'alliance, il y a les règles. Et le Seigneur nous montre maintenant la voie à suivre. En fait, je voulais insister là-dessus, parce que cette parole-là ne s'adresse pas aux païens, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas encore fait la paix au Seigneur, mais elle s'adresse aux enfants de Dieu, ceux-là même qui ont pris l'engagement de marcher avec le Seigneur pour dire « Attention, voici ce que vous faisiez avant, mais voici ce que vous devez faire. » Oui, Martial. Effectivement, nous devons en tout cas faire l'effort. C'est pas facile, la vie chrétienne, c'est pas facile. On va faire l'effort en tout cas de marcher selon les ordonnances, de marcher selon les principes du Seigneur. Partout, il y a des règles, partout, il y a des principes. Et le principe du Seigneur, c'est de marcher comme lui-même l'a résolu, comme l'a dit dans sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, voilà. Bienvenue, j'ai acheté quelque chose. Il y a une parole biblique qui dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont des nouvelles. C'est-à-dire que nous ne devons pas vivre comme en vain. Voilà, nous avons un nouveau maître qui est le pédagogue. C'est lui que nous devons suivre. C'est son image que nous devons copier. Nous devons l'imiter, au fait. Donc, c'est ce que Paul voulait faire comprendre aux Éphésiens. De marcher comme la seule personne qui est le chef de l'Église. On doit copier tout ce qu'il fait. On doit copier son identité, son image. En tout, on doit l'imiter. Voilà, c'est ce que Paul voulait les faire comprendre ici. Parce que lorsque tu prends l'introduction, on te fait comprendre que dans ce passage-là, c'est le seul chef de l'Église que nous devons copier. Oui, Roselyne. Bon, en un mot, terre à terre, ça veut dire que si tu étais voleur et que tu t'es donné maintenant au Seigneur, tu ne dois plus voler. Si tu étais une prostituée, tu ne dois plus être une prostituée. Tu étais un homosexuel qui avait des fétiches, tu dois jeter tous tes fétiches et désormais t'abandonner dans la main du Seigneur. Voilà. Non, abandonner l'ancienne vie et marcher selon le modèle parfait qui est Christ. Abandonner nos mauvaises pensées, nos mauvaises voies et marcher selon le modèle de Christ qui est le modèle parfait. Nous allons passer à la conclusion. Qu'est-ce que nous devons retenir à appliquer? Oui, bienvenue. Ok, encore merci pour ce qu'on doit retenir. Pour ma part, il ne faut pas copier la vie des païens. Et aujourd'hui, c'est déplorable de le voir. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent comme des païens. C'est-à-dire qu'ils copient des stars, leur manière de s'habiller. Non seulement, mais certains même, le con même, qu'ils écoutent les musiques profanes, mondaines. Nous devons copier l'image du Seigneur. Nous devons être imitateurs de Christ, comme le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Donc, je veux dire à une personne ici, la personne, le modèle par excellence que tu dois copier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il n'abandonne jamais. Lui, c'est le vrai modèle. Il ne trahit pas par son comportement, par sa conduite. Il est toujours exemplaire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord, oui. Roselyne. La Bible est claire là-dessus. Dans le livre de 1 Jean déjà, la Bible nous a dit que celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Voilà, on ne peut pas être avec le Seigneur et copier les choses du monde. Un pied dedans, un pied au dehors, c'est dehors. Alors que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi je voulais attirer et encourager un frère, une sœur. Tu ne sais pas quand la mort va te prendre. Parce que très souvent, on argumente, on raisonne, on dit « j'ai encore le temps ». Il a encore le temps. Souvent, même les parents soutiennent. Ils disent « non, il est encore petit, il va comprendre. Il va comprendre. » Et il y a les gens qui sont restés dans « il va comprendre, ils sont morts. » Et quand il meurt, il va où? Il va à l'enfer. Parce que après, quand la bouche est fermée, quand on t'a mis dans le cercueil, c'est fini. Et ce n'est pas de l'amusement. L'ennemi ne s'amuse pas. C'est pourquoi Dieu nous a éclairés. Nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. et marcher comme le Seigneur nous le demande et ne plus faire ce qu'on faisait avant. Que Dieu vous bénisse. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Nous devons, en un mot, marcher selon la parole de Dieu. Voilà, avoir une vie qui l'honore, amener une vie exemplaire, à ne pas faire comme les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Être enraciné dans sa parole, éviter de marcher ou d'éviter d'écouter la mauvaise compagnie, comme le dit bien dans sa parole dans 1 Corinthiens 15, verset 33, qui dit ceci, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À nous de copier le divin modèle, à nous de copier Jésus-Christ, comme l'a si bien dit dans Galates 5, 22, de manifester les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la justice, la bénignité, ainsi de suite, j'en passe. Donc en un mot, de mener une vie qui honore Jésus-Christ. Merci pour tout ce qui a été dit. Ça fait 3 mots. 1 mot pour Roselyne, 1 mot pour Martial et 1 mot pour Bienvenue. Mais je pense que c'était important de pouvoir insister là-dessus afin de nous encourager. Nous allons donc prier le Seigneur avec Martial pour qu'il puisse nous aider à vivre une vie chrétienne qui reflète le modèle que lui-même nous a donné, à ne pas nous laisser confondre avec le monde, mais plutôt à être différent du monde, à ne pas nous laisser envahi par tout ce que le monde nous propose, mais plutôt à rester serein et à rester fidèle à la vie chrétienne que le Seigneur nous montre de pratiquer. Prions avec Martial. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole qui a été annoncée avec vie. Nous te recommandons la vie de tout un chacun afin de mettre ta parole en pratique, de vivre selon cette parole-là chaque jour à perpétuité et que rien ne puisse faire obstacle à cela, que nous puissions davantage nous attacher à toi, que nous puissions davantage encore mener une vie qui t'honore, que nous ne puissions pas regarder le monde, à copier le monde, à marcher comme eux, mais au contraire, être attaché à ta parole, vivre selon ta parole et être encore connecté encore avec ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir vivre selon tes préceptes. C'est en Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de cette méditation. Nous vous disons merci, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Merci aussi à nos invités qui ont répondu présents. Nous vous souhaitons un bon retour et rendez-vous le mercredi prochain pour un autre moment de méditation. Vous trouverez le commentaire de ce texte à la page 61 de notre rendez-vous avec Dieu. Nous vous laissons avec cette prière proposé par nos rédacteurs qui se trouvent à la fin du commentaire de ce texte dans notre rendez-vous avec Dieu. Je lis la prière. Saint-Esprit, renouvelle mes forces et mon esprit pour vivre différemment selon ta volonté. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse et rendez-vous mercredi prochain. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.